Chapitre 30e, l'angoissante surprise. Fungetti entra dans une allée transversale sous bois dans laquelle une amazone venait de s'engager. Cette amazone montait aussi un cheval superbe. Paula Broquet, qui selon une expression bien caractéristique semblait avoir des yeux tout autour de la tête, l'avait aperçu un peu avant le clown. Nous savons que le détective avait une vue exceptionnelle. Il put voir cette amazone portant un costume des plus élégants, des plus corrects, et un chapeau melon, chapeau d'homme qui lui allait à ravir. Elle était coiffée à la catogan, et un nœud de velours noir enserrait la boucle de cheveux qui, large, très fournie, descendait sur son col droit, et cette natte était dorée. Paulin Broquet put remarquer que cette amazone, qui venait dans l'allée où se trouvait arrêtée la voiture de Rosa de la Huerte et le clown Fungetti, en apercevant le groupe, brusquement avait changé de direction. C'est même cet écart imprévu, ce mouvement qui avait attiré l'attention de Fungetti. L'amazone en eut, en le voyant, un éclair dans ses yeux noirs, et sa bouche très mince, en se crispant, fit remonter son menton volontaire et quelque peu massif. Cela ne dura que quelques secondes. Mais Paulin Broquet eut le temps, cependant, de reconnaître la femme aux cheveux d'or fauve, à la blondeur factice, qui s'était trouvée en face de Miss Hidden au moment de la mort de la danseuse Bianca, place de Clichy. « Suis-les, » fit-il au fond du fiacre à son cocher. Et le cocher à la trogne classique, qui semblait garder un reflet de tous les bistrots de la capitale et qui n'était autre que ma pipe, fouetta Cocotte. Cocotte, soudarde et vulgaire, malgré sa mine de rose précieusement conservée, était une très bonne et très solide jument. Elle partit à bonne allure. Mais Cocotte ne pouvait compter lutter de vitesse, malgré cela, avec le cheval de Fungetti. D'ailleurs, ce n'était pas ce que Paulin Broquet attendait de Cocotte. Ma pipe conduisait la bête dans l'allée, où derrière l'amazone à la natte dorée s'était précipité Fungetti. Il fit reprendre à Cocotte une allure raisonnable et la maintint de telle sorte que son chef put le plus commodément possible surveiller toute l'allée et voir ce qui s'y passait. L'amazone avait, comme par enchantement, disparu. Fungetti en vain parcourut l'allée, en vain il s'engagea dans les sentiers cavaliers qui la coupaient. Il ne découvrit point celle dont la vue venait de produire sur lui une si forte impression, de causer chez lui, généralement si calme et maître de soi, une si violente émotion. Ayant ainsi, pendant un assez long temps, galopé de tous côtés et cherché sans rien apercevoir, Fungetti se décidait enfin à quitter le bois. Cela s'était passé quelques jours avant que Fungetti eût le bras brûlé si étrangement et fut victime de ce si singulier accident du macaroni. Depuis, tous les matins, Fungetti était revenu au bois, à cheval, espérant sans doute rencontrer la mystérieuse amazone. Puis son accident l'empêcha de faire sa promenade. Il attendait probablement la guérison pour reprendre ses recherches, et il lui tardait vraiment d'être guéri. La guérison s'annonçait d'ailleurs comme très prochaine. Fungetti se soignait consciencieusement. Il était ce matin, c'était le lendemain du jour où nous avons assisté à la scène entre l'homme au masque de velours et Zygomar, il était ce matin en train d'achever de panser son bras, quand son domestique vint lui dire dans le patois maltais « Signor, une personne demande à vous parler immédiatement. Qui est cette personne ? Une femme. Ah, jeune, jolie ? Si, signor. Son nom ? La signora m'a dit que c'était inutile de la nommer. Pourquoi ? Parce que vous connaissez bien la signora, et que c'était une surprise qu'elle voulait vous faire. » Fungetti grogna. Je me méfie des femmes qui vous ménagent des surprises. » Fungetti, très intrigué, se demandait qui pouvait être cette femme, désirant ainsi garder l'anonymat qui, à 7 heures le matin, se présentait chez lui. Certes, les conquêtes des artistes, chanteurs, comiques et clowns sont nombreuses. Fungetti en savait quelque chose. Mais encore, les amoureuses de pitre se faisaient-elles généralement précéder de l'être enflammée, et ne venaient-elles qu'à coup sûr quand elles se savaient attendues. Celle-ci ne s'était pas annoncée, n'avait pas prévenu de sa visite matinale, imaginait une surprise. C'était assez singulier. Méfiant, Fungetti demanda encore à son domestique « Tu dis qu'elle est jolie ?»« Beaucoup, signor. Superbe femme, avec un grand chapeau. Mais quand même, j'ai vu les cheveux qui brillaient. C'est une femme rousse. » Fungetti sursauta. « La femme rousse » s'écria-t-il. Et souriant, Fungetti se dit « Serait-ce Miss Hidden qui, en camarade, viendrait prendre de mes nouvelles ?» Il fit signe à son domestique. « Bon, je viens. » Promptement, il acheva le pansement de son bras, que maintenant il ne portait même plus en écharpe. Devant la glace, il rectifia l'arrêt de ses cheveux, se donna deux ou trois petits coups de vaporisateur, et s'étant jugé présentable, il passa dans son salon où l'attendait cette femme jolie, mystérieuse et rousse. La visiteuse s'était assise dans un fauteuil en tournant le dos à la fenêtre. Elle se trouvait par conséquent dans l'ombre que les dimensions de son chapeau augmentaient encore. Fungetti, qui cependant avait de bons yeux, ne put la reconnaître. Toutefois, il vit immédiatement que ce n'était pas Miss Hidden. De plus en plus intrigué, il s'avança, saluant l'étrange visiteuse. Celle-ci le regardait venir, sans dire un mot, sans faire un mouvement, un geste. Dans l'ombre, malgré la voilette à motif de dentelle qui les éteignait, Fungetti put apercevoir la clarté des dents dans le sourire et la lueur des yeux. Fungetti maintenant se trouvait tout près du fauteuil. Il s'inclina devant la visiteuse, très bas, et commença une phrase banale de bienvenue. « Madame, je suis très flatté, très heureux de... » Mais il n'acheva pas la phrase. Du coup, il se releva et poussa un cri. Un cri contenant toutes les passions, toutes les angoisses du cœur d'un homme. « Vous ?» Et il recula d'un pas. Il se tint ainsi, vacillant sur ses jambes, le cerveau en feu, se demandant dans cette minute d'hésitation poignante s'il devait s'en aller de cette pièce ou bondir sur cette femme qui venait ainsi d'affoler son âme. La visiteuse, sans se hâter, très calme et en souriant, répondit « Oui, c'est moi. »« Vous ?» répéta Fungetti. « Vous, chez moi ?»« Moi, chez vous, c'est curieux, en effet. »« Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas conscience ?»« Non. » »« Vous ne craignez pas ma colère ?»« Non. » »« Vous ne voyez pas que, malgré ma blessure, je peux, là... » Vous tenez enfin me venger, apaiser ma haine, non ? Toujours très calme et d'une voix claire, qui s'alliait merveilleusement à son sourire, elle ajouta « Si vous aviez pu vous venger, vous l'eussiez fait tout de suite, en me reconnaissant, sur la première seconde, sans réflexion, d'un coup, d'instinct. J'aurais dû. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Maintenant, c'est trop tard. Ne croyez pas. Si. D'ailleurs, vous ne pouvez le faire. Pourquoi ? Parce que votre cœur ne contient pas de haine pour moi. Détrompez-vous, une haine farouche, implacable. Non, non, vous parlez, vous discutez, la haine est muette. La vengeance est froide comme un poignard, la colère est vibrante, bruyante, la colère est l'indice de faiblesse. Calmez-vous donc, plus de cris, plus de gestes. Elle ajouta, votre cœur n'a pas de haine pour moi. Il ne contient que de la jalousie et que de l'amour. Fungetti voulut protester, elle l'arrêta d'un geste à peine indiqué de la main. « Je suis sûr de ce que je dis. Vous m'aimez. Oui, vous m'aimez d'autant plus que je vous ai trompé, que je vous ai trahi, et que j'en aime un autre. » Fungetti écoutait en frémissant ces paroles qui, une à une, pénétraient en lui comme des coups de stylet dans une poitrine. Et vraiment, maintenant, endurant un épouvantable supplice, il comprenait que cette femme avait raison, qu'il l'aimait, et qu'il l'aimait de toute la force qu'il croyait à sa haine qui n'était que de l'amour au degré suprême. Il souffrait grandement, éperdument, en entendant ces mots d'aveu cyniques et impitoyables. Il était heureux en même temps d'entendre cette voix qui les disait, heureux de voir cette femme qui le torturait. Mais essayant de se maîtriser, de dominer ses nerfs, il dit, cherchant à donner à sa voix, qui de sa gorge serrée sortait péniblement, en tremblait le plus d'assurance possible, le plus de force. « Vous vous trompez, vous vous trompez. Est-ce possible ? Non, je ne vous aime plus. Non, je vous méprise, je vous hais. » Tout est brisé entre nous, cassé, détruit. J'ai mis le feu à votre souvenir. Et maintenant, je ne souhaite qu'une chose, c'est de ne plus vous revoir sur mon chemin. Ah ! Répliqua la visiteuse, c'est pour cela que, comme un fou, à cheval, au bois, vous vous précipitez sur mes traces. Fungetti sursauta, ne trouva rien à répondre. La visiteuse reprit sans se départir de son calme. Alors je me suis trompé, vous ne m'aimez plus. Eh bien, c'est grand dommage. Je venais vers vous, non pas repentante, car ayant fait chaque acte après réflexion, je n'ai pas le droit d'en concevoir du regret. Mais je revenais chez un homme qui a eu une part, peut-être la plus belle, de ma vie. Je revenais lui dire que son souvenir, malgré les jours vécus depuis, loin de lui, était demeuré vivant en moi et cher à mon cœur. Inutile, madame, inutile. Et j'espérais trouver chez lui, sinon le pardon du mal que je lui ai causé, du moins une consolation pour les souffrances que j'ai éprouvées loin de lui. Vraiment, cette femme était d'une audace folle. Elle venait demander une consolation pour son chagrin à celui qu'elle avait torturé. Mais elle connaissait absolument le cœur de l'homme. Elle savait que là où la femme froissée dans son amour eût été implacable, l'homme devait être faible. Elle savait qu'après avoir surexcité sa jalousie en lui parlant de pitié, il l'écouterait. Elle était certaine qu'en évoquant son rival victorieux, c'était sur ce rival que sa haine tomberait, et que le désir de se venger de ce rival lui ferait désirer plus ardemment la femme coupable. C'était bien de la psychologie féminine et du machiavélisme d'Alcove. Comme tout homme, Fungetti allait s'y laisser prendre. La visiteuse reprit. « Je venais donc ici avec le secret espoir que le chagrin de l'amant éteint. Je trouverai un ami et que peut-être, qui peut jurer de rien, en remuant un peu sous les cendres, nous retrouverions quelques étincelles, et pourquoi pas un peu de flamme, capable de réchauffer encore nos cœurs glacés. » Elle se leva lentement, avec des mouvements de chatte qui fait la coquette. « Mais, ajouta-t-elle, je me suis trompée. Oui, c'est dommage, je vous assure, grand dommage. » Maintenant elle donnait à sa voix des inflexions tendres, et il semblait que son cœur plein de regrets pouvait à peine contenir sa douleur. Mais tout en parlant, elle s'était tournée de façon à voir en pleine figure la lumière de la fenêtre, à mettre en valeur aux yeux de Fungetti sa beauté, ses yeux, sa bouche. Tout ce que ce malheureux avait aimé, tout ce qu'il regrettait, tout ce qui hantait ses rêves, ce qu'il désirait encore. Fungetti la suivait du regard, retrouvait les lignes onduleuses de ce corps qu'il avait serré dans ses bras, retrouvait l'éclat de ses yeux dont il avait grisé les siens, et tout son être frémissait de voir vivante, à portée de la main, tant de volupté dont le souvenir seul le rendait fou. « C'est dommage, » reprit la visiteuse, « tant pis pour moi, je vais être bien malheureuse maintenant. Allons, n'y pensons plus. Je n'ai plus qu'à me retirer en vous disant adieu. Cette fois, c'est bien pour toujours. » Elle traversa le salon du clown. « Adieu, » dit-elle encore avec un sanglot. Fungetti ne bougeait pas, ne disait rien, ne trouvait pas un mot à répondre. Il savait que tout cela n'était que comédie, que cette femme mentait. Il se doutait qu'elle n'était venue chez lui que dans un but absolument intéressé, parce qu'elle avait besoin d'avoir un homme à sa merci, un esclave prêt à toutes les besognes. Fungetti savait cela. Et cependant, il voyait avant cela la souplesse de ce corps merveilleux. Et plus qu'à la somme d'infamie qu'elle allait exiger, il pensa aux quelques instants de volupté, de bonheur qu'elle pouvait lui donner. Il essaya de lutter, cependant, de se défendre, de se reprendre. S'il lui laissait passer la porte, il le sentait, il était sauvé. Et avec elle, s'il permettait à ses heures de plaisir de s'éloigner, il écartait de lui des jours de regret, de souffrance. Mais l'homme qui aime par le cœur ou par les sens est aussi féroce que lâche. Comme la visiteuse mettait la main sur le panneau de la porte, il poussa un cri, un appel suprême, une prière. « Flore !» La visiteuse s'arrêta. Elle s'attendait à cette supplication, mais elle simula la surprise. « Vous m'appelez ?»« Flore !» répéta Fungetti. « Flore, non !»« Je ne veux pas, ne t'en va pas, reste !»« Restez, à quoi bon ?» fit Flore. « Pourquoi ?»« Parce que je t'aime !» Flore revint lentement. Elle marchait avec l'allure non plus de la chatte amoureuse, mais de la panthère qui a guetté sa proie et qui va maintenant jouer avec sa victime. Sans rien dire, elle tendit ses mains à Fungetti. Fungetti les prit dans les siennes. Il ne s'arrêta pas à en baiser les ongles. Il saisit les mains, les attira à lui vivement en élargissant les bras. Et les lâchant d'un coup, il prit à bras-le-corps la jeune femme qui se laissa aller, qui s'abandonna. Et, disant des mots de folie, d'amour, il couvrit de baisers cette tête adorée qui jouait à merveille la pâmoison sur son épaule. Quand Flore sentit l'homme bien à elle, bien en son pouvoir, brusquement, elle s'écarta de lui. « James, James, je serai à toi, je serai ta maîtresse. Et pour jamais, je te le jure, mais à une condition. « Laquelle ?» demanda Fungetti. « Tu vas me venger de mon amant. » Fungetti sursauta. « Oui, me venger de mon amant. » « En quoi faisant ?» « En tuant sa maîtresse. » « Qui est sa maîtresse ?» « Miss Ida Hidden. »